Chapitre 9e. À travers les plateaux pierreux et les versants boisés, la colonne des pionniers est arrivée à la montagne. Le vieux sorcier guide ceux-ci comme il a guidé les autres. Mais l'histoire d'Escovedo a servi de leçon aux Espagnols. Les hommes qu'il laisse sur les caravelles sont en nombre et se tiennent sur leur garde. Les roches d'or! Comme un mot d'ordre, ce cri de triomphe passe de la tête à la queue de la colonne. Les retardataires se hâtent. Les femmes tirent leurs enfants, on fouette les chevaux, et l'énorme caravane salue bientôt tout entière la montagne au flanc doré, l'incomparable trésor. Les cadavres des soldats et des moines percés par les flèches mortelles sont là, gisant sur le sol. Mais nul ne prend garde à ces présages funèbres. Qu'importe les morts, ils sont bien vivants, eux. D'ailleurs, on se délivre de ce fâcheux spectacle en jetant à la hâte dans les trous ces squelettes déjà rongés par les vautours. Maintenant, à l'ouvrage. On ne se donne pas le temps de manger, encore moins de prendre un repos, bien mérité cependant. Les prêtres bénissent la carrière et les outils des mineurs, et les rochers retentissent, frappés de toutes parts, et les pépites volent en éclats. On passe au crible les débris. Les officiers les essayent à la pierre de touche. Partout, c'est de l'or le plus pur, le filon prolonge en tous sens ses réseaux étincelants. À l'ouvrage. Seule, cette besogne leur plaît. Il faut des menaces pour leur faire commencer le fort, abattre les arbres d'essence rare, rechercher les épices, ouvrir des chemins dans la forêt. Dans l'intervalle des soins de la cuisine, les femmes s'emploient aux moindres tâches, les enfants aussi. La fièvre du métal aux pâles reflets brille dans tous les yeux. Ce n'est pas là le joyeux chantier où le bûcheron rythme d'un vieillard ses coups de cognée. C'est un atelier d'âpres tâcherons, silencieux, qui fouille la montagne d'un effort enragé, on dirait hostile, et ne s'arrête de la rude labeur que pour s'absorber dans d'interminables calculs. Enfin, au bout de quelques jours, la fatigue est venue. La lourdeur du soleil, dont les rochers renvoient les rayons accablants, dompte les plus tenaces. Maintenant, ils s'acharnent moins à cette recherche abrutissante. Ils s'en remettent aux Indiens qu'ils surveillent et que Colomb leur recommande d'épargner. Ils se distraient à planter des palissades, à essayer de fasciner l'embrasure des canons de la redoute, à construire des radeaux avec les meuniers et le bois de fer. Ils ramassent le girofle, le poivre et la cannelle, dépouillent les cotonniers en fleurs, chassent les aras aux plumes diaprées et lancent toute cette récolte sur la rivière, s'embarquant eux-mêmes pour diriger ces trains dans les rapides. Quant à l'or, on ne l'expose pas au hasard d'une navigation périlleuse. On en charge les chevaux auxquels on taille la route à mesure. Les plus vaillants portent sur leurs épaules un sac cacheté, à travers les mailles duquel on voit luire les précieux fragments comme des poissons dans un filet. Des caravelles à la montagne et à l'embouchure de la rivière, c'est un continuel va-et-vient. Et toujours apporté à deux dômes ou tiré dans des traîneaux, l'or afflue. Du haut du fort qui domine la forêt et commande les carrières, les prêtres, qui travaillent entre-temps à la conversion des infidèles, assistent à ce ruissellement sans fin. C'est un fleuve de lingots qui roule, ininterrompu, vers la mer. Du côté des Indiens, nulle inquiétude. Ganagari a prouvé par ses renseignements précieux que l'amiral le soupçonnait à tort. Les Caraïbes, épouvantés par ces canons dont la bouche est penchée sur eux, travaillent, sombres, sans un murmure, résignés à leur sort. Quelques-uns même, plus accessibles que le vieux sorcier, ont suivi les conseils des moines et accepté le baptême. Seule la veuve du cacique semble protester par ses regards torves contre de telles capitulations. Mais quoi? Une femme? Cela n'est pas dangereux. Jamais elle n'a risqué une parole hardie, encore moins un geste de menace. Elle se contente de rôder autour des mines, l'œil étincelant. Qu'elle rôde! Ce matin-là, elle y avait rencontré Ganagari. Le vieillard sommeillait, brisé de fatigue. Elle attendit qu'il se réveillât. Et lui dit alors, en montant la montagne où les Caraïbes peinaient sous la surveillance des Espagnols, « Eh bien, tu es content? Est-ce là ce que tu voulais ?» Sa voix était dure et son sourire cruel. Dans son dédain, on sentait une douleur, celle d'avoir mis en Ganagari une espérance qui ne se réalisait pas. « Attends, » répéta le vieillard, « peut-être n'auras-tu pas à attendre longtemps. Reviens seulement ce soir à l'endroit où nous sommes. Les choses ont déjà changé. » Deux mois s'étaient écoulés depuis que les Espagnols avaient commencé à éventrer la montagne. Suivant les conventions acceptées, la première équipe de mineurs descendue aux caravelles après 4 semaines de travail remontait maintenant pour 30 jours aux mines, remplacée sur les vaisseaux par l'équipe qui lui avait succédé. Le premier mois, ce mouvement de navette s'était effectué dans le plus grand calme. Les arribants étaient aussi impatients de se mettre à la besogne que ceux qu'ils venaient relever étaient désireux de prendre du repos. Cette fois, la chose ne paraissait pas devoir se passer aussi bien. Colomb, dont les navigations et les épreuves avaient altéré la santé, il avait alors plus de 60 ans, était revenu malade d'un voyage d'exploration dans les îles voisines. Il avait dû partager le commandement entre ses deux frères, moins respectés que lui. Des querelles avaient surgi entre les chefs. Il en eut connaissance et ses désordres contribuèrent encore à aggraver son malaise, tant que ses jours étaient maintenant en danger. La possibilité de sa mort prochaine avait réveillé les ambitions. Des compétitions s'étaient produites. L'envie et l'ombre que fait en passant le génie. Colomb avait des envieux parmi ses officiers, comme il en avait en Espagne parmi les courtisans d'Isabelle la catholique. Le malheur voulut qu'envoyé en mission dans l'archipel, ses plus sûrs amis se trouvassent pour l'heure éloignés de l'amiral dont ils eussent soutenu l'autorité. Encore, sur les caravelles, la présence du chef intimidait un peu les équipages, mais quand ils partirent pour la montagne, les premiers travailleurs partaient résolus à la révolte. Il leur déplaisait de penser que cet or, si péniblement conquis par eux, irait tout au roi et aux prêtres qui prélevaient leur part, tandis qu'eux-mêmes n'auraient de ce gâteau que des bribes. Ils s'étaient montés la tête les uns les autres, ils arrivèrent à la mine prêts à tout. L'un d'eux, un robuste matelot des Baléares, Banesporas, qui se fit leur porte-parole, alla droit au chef du campement et affirma leurs prétentions. « Nous voulons bien, dit-il, continuer à creuser la mine et à surveiller la descente de l'or et des bois précieux. Mais nous exigeons la moitié de la récolte. Oui, la moitié, à partager entre nous. Il en restera au roi un quart au pape. Cela constitue, je pense, un assez beau denier. S'il ne trouve pas la part suffisante, qu'il fasse comme nous, qu'ils viennent se servir eux-mêmes. » Et de rire. Dans de telles conditions d'existence, les liens qui attachent d'ordinaire les hommes les uns aux autres n'existent plus. Les hiérarchies sociales n'ont pas de signification pour des gens vivant à l'état de nature. De là vient que cet homme osait tenir un tel langage et que ses compagnons osaient l'applaudir. Voyant le succès de sa harangue, le tribun improvisé s'enhardit encore. « Nous voulons la moitié de la récolte, » répéta-t-il. « Comme garantie, nous saisissons les convois. » La menace était hardie. Les hommes de l'équipe précédente, qui allaient emmener l'or au caravel, ne demandaient qu'à l'abandonner dans ces conditions. Ils avaient intérêt, eux aussi, à se payer sur ce taux. « Le marin a raison, » se mirent-ils à vociférer. « Nous avons la peine, nous risquons notre vie 100 fois menacée, et il ne nous reste rien de cet or que nous arrachons avec nos ongles, que nous tachons de notre sang. » L'agitation était extrême. Le chef, un gentilhomme dévoué à son roi et respectueux de l'Église, mais craintif pour sa vie, hésitait, très perplexe. Il demanda conseil au prêtre, et prétendant n'être pas autorisé à trancher la question, promit de donner son avis au bout d'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, quand les ouvriers s'avancèrent vers le fort pour savoir la décision prise par le chef, c'est à coups de canon qu'on les accueillit. Une sortie de soldats furieux, excités par les moines, se rua sur les rebelles, sans s'arrêter aux clameurs des femmes et des enfants. Ce fut d'abord une confusion sans nom, des cris. « Trahison ! Trahison !» Puis, le marin ayant hurlé « En avant ! Suce aux perfides ! Tue ! Tue !» Les révoltés, exaspérés, se rallièrent et la mine devint le théâtre d'une lutte acharnée. Ceux qui échappaient aux balles tombaient assommés sous les hallebardes, transpercés à coups d'épée ou de poignard. La fumée du combat obscurcissait le ciel. Anakua était accouru, attiré par ce vacarme. « Ah, viens donc, viens donc !» lui dit le vieux sorcier, sitôt qu'il l'aperçut. « Viens en boire sans t'égorger les égorgeurs !» Ses yeux brillaient dans l'ombre, sa haine faisant enfin explosion, le transfigurait. « Est-ce toi, vieillard ?» murmure la veuve du cacique, qui ne le reconnaissait plus. « C'est donc là, ce visage que cachait ton masque. Tu les exècres donc autant que moi. Voilà donc ce que tu attendais ?»« Cela d'abord !» répondit-il d'une voix sombre, « mais pas cela seulement. Quoi encore? Attends. Aussi bien, n'est-ce plus le moment des paroles ?» La bataille se prolongea jusqu'à la nuit, et parmi les morts, plus d'un était frappé par derrière et devait cette blessure à la veuve du cacique ou au père de Tabouaka. Enfin, une balle ayant abattu Banesporas, la mêlée perdit un peu de son acharnement. Les ténèbres favorisèrent l'apaisement des deux parties, et le lendemain, quand le jour reparut, les Espagnols n'eussent pu dire lesquels étaient les vainqueurs. Tous se regardèrent honteux, confus d'avoir donné ce spectacle aux Indiens. L'ivresse s'était passée. Le chef profita de cette trêve pour semer des paroles habiles. Il prouva aux survivants que les prétentions de celui qui les avait égarés dépassaient toute mesure. Il mit tous les torts sur son compte. Il promit d'ailleurs d'appuyer les réclamations légitimes et de faire rendre justice aux pionniers. L'Église et le roi, affirma-t-il, tiendront à honneur de récompenser leurs auxiliaires, mais il importait que ceux-ci fissent oublier à force de sagesse un instant de folie. Il fallait qu'ils ne missent plus leurs supérieurs dans la cruelle nécessité de leur rappeler leurs devoirs. Bref, utilisant le repentir mêlé de dégoût qui suit toute violence, il endormit leur colère. Tous comprenaient maintenant qu'ils avaient été trop loin, qu'on leur faisait dire et faire des sottises. Le sort d'Escovedo leur prouvait les dangers d'une tentative en dehors des efforts communs. Le chef n'eut pas besoin d'insister. On enterra les morts. On n'eut point à soigner les blessés. Car, circonstance étrange, pas un des combattants n'était tombé qui ne rendut l'âme. Bref, à la fin de la journée, les traces de cette échauffourée avaient disparu. Les ouvriers et les Caraïbes s'étaient remis à la tâche. Le convoi d'or descendait tranquillement vers la plage. La mine avait repris son aspect accoutumé. On constata seulement que Ganagari, qui avait dû s'enfuir épouvanté, ne reparaissait pas. 5 des caravelles amenées par Colomb étaient pleines d'or et d'épices à regorger. Des autres, une partie continuait à explorer les Antilles au sud et au nord, une était occupée par l'amiral. Les dernières, vieilles et fatiguées par de tels voyages, étaient mangées des vers, au point qu'on ne pouvait compter les utiliser pour le retour. On décida de les remplacer par d'autres, construites avec du bois pris dans l'île. Mais cette construction, surtout dans un port où manquaient les ressources ordinaires, devait prendre beaucoup de temps. Les équipages s'impatientaient, las de leur inaction. Les heures de la nuit, surtout, leur semblaient longues, bien qu'ils en trompassent la durée en jouant un jeu d'enfer. Assurés du prix de leur peine, les officiers aussi appelaient le moment du retour. Il leur tardait d'arriver en Espagne, pour savoir quelle part leur serait en effet laissée et s'ils pourraient rester dans leur pays à mener une vie princière ou s'il leur faudrait recommencer un voyage. La maladie de Colomb continuait. Et la nouvelle des troubles dont la montagne avait été le théâtre n'était pas faite pour le guérir. D'autre part, sa constitution robuste ne permettait décidément pas à ses ennemis d'espérer sa mort. Quant à un crime, les pires n'en avaient jamais avoué l'idée. Il fallait se décider pourtant. Les matelots recommençaient à murmurer. Les frères de l'amiral ne réussirent à les apaiser qu'en décidant le départ des 5 caravelles. Colomb, profitant d'une après-midi magnifique, sommeillait sur le pont de son navire, quand Don Diego vint lui apprendre ses décisions. « Du moins, ces caravelles ne vont pas appareiller aujourd'hui, » demanda Colomb. « Pardon, elles auront levé l'ancre avant 1 heure. »« Avant 3 heures, elles seront détruites, » déclara l'amiral. Les officiers, témoins de cette scène, se regardaient, se demandant ce que leur chef voulait dire et s'il ne devenait pas fou. « Ceci vous étonne, » ajouta-t-il, « c'est que vous n'avez pas de ces parages l'habitude que j'en ai. » À des signes très nets, et qui ne m'ont jamais trompé, je suis sûr qu'une tempête est proche, sûr qu'elle sera redoutable, d'autant plus que les premières heures de la traversée sont dangereuses à cause des passes et des brisants. Je ne serais pas tranquille si j'étais le pilote du navire qui prendra la tête. Voyez si vous pouvez l'être. Tout ce monde est impatient de partir, je le sais, et je me sais dans l'impossibilité de les retenir. Les ordres que je donnerai ne seraient pas exécutés. Mais dites bien de ma part aux équipages que s'ils ne sont pas impatients de mourir, ils attendent jusqu'à demain. Personne n'y consentit, tout était prêt, à quoi bon attendre? L'amiral ne voulait que gagner du temps et une fois guéri, leur imposer des ordres. Cette tempête n'était évidemment qu'un prétexte et rien, dans ce calme, n'en disait la menace. Quant au danger des premiers brisants, les équipages étaient bien tranquilles. Un jeune Indien, très habile à la manœuvre des pirogues, et qu'à cause de son bonnet aigu, on appelait le Capucin, était venu, sachant leur départ, offrir ses services comme pilote. On l'adjoignit au timonier de la première carabelle, et les passes, une fois franchies, une chaloupe le remettait à terre. Le Capucin y tenait beaucoup. Lorsqu'on lui annonça cette résolution, l'amiral ne répondit pas. Il eut seulement un profond soupir, et il leva vers le ciel des yeux où roulaient des larmes. Le ciel était d'un bleu intense, la brise fraîche, et les carabelles cinglaient vers l'Orient d'une belle allure. Sur le vaisseau de Colomb, tout l'équipage enviait leur passage, et là-haut, du fort qui commande la mine, les Espagnols suivaient leur départ d'un œil jaloux. À travers les bas-fonds et les écueils, la flottille se glissait allègrement. Le Capucin ne s'était pas vanté. Il connaissait par cœur l'hydrographie de l'île. Sans lui, les caravelles se fussent déjà enlisées ou entr'ouvertes 20 fois. La brise fraîchissait, et les navires espagnols volaient sur les flots comme des mouettes. « Si ce vent-là nous favorisait pendant tout le voyage, se disaient les marins, il ne nous faudrait guère plus d'un mois pour toucher aux Açores. » Le vent fraîchissait de plus en plus, gonflant les voiles à les rompre, et le timonier commençait à trouver cette allure un peu désordonnée. Il en avertit le Capucin qui se contenta de sourire, comme s'il eût voulu donner raison à l'amiral. Le ciel s'assombrissait maintenant. De gros nuages cuivrés montaient comme de lourdes vapeurs. Des éclairs sillonnaient leurs flancs. Les flots se couvraient d'écume. Bien que le vent soufflât en rafale, l'atmosphère était devenue étouffante. Les mâts craquaient, et l'on dut carguer quelques ris, en dépit du Capucin, qui souriait toujours et semblait très tranquille. Tout à coup, au moment même où les caravelles s'engageaient entre une double ligne de récifs, un effroyable coup de tonnerre retentit. Une trombe bouleversa les flots, la bourrasque arracha la coiffure du Capucin debout sur la poupe, et les Espagnols reconnurent avec stupeur la tête rasée d'Anacoua, la veuve du cacique. Puis brusquement ils se crurent devenus aveugles. Une telle obscurité s'abattit sur la mer que la flottille semblait courir sous une averse de cendres, dans un brouillard de suie. Avec la soudaineté particulière aux orages des tropiques, les nuages s'ouvrirent et les cataractes du ciel inondèrent l'île, ravinant les pentes, effeuillant les palmiers, flagellant les bêtes fauves. Pendant une heure, ce fut un formidable assaut de vent, de tonnerre et de pluie. Tout l'horizon était dans les ténèbres, et cette horreur s'ajoutait à cette dévastation. Quand le soleil reparut, faisant étinceler les feuillages ruisselants, les Espagnols qui se risquèrent les premiers au fait du fort et braquèrent leurs lunettes sur la mer du côté de l'Orient, ne virent rien que des récifs blancs d'écume escaladés de vagues furieuses. La prédiction de l'amiral s'était réalisée. La mer avait englouti les caravelles avec leurs pilotes, leurs équipages et leurs cargaisons.